Chapitre 19e, le jugement. La cour d'assises se tint à Lyneborough dans une salle excessivement vaste, de telle sorte que la plupart des curieux, et le nombre en était considérable, purent assister au débat si impatiemment attendu. Aux yeux du public, cette cause devait présenter un intérêt des plus vifs. Tout, en effet, contribuait à exciter cet intérêt, ou plutôt cette curiosité. Le rang qu'occupait l'accusé dans la société, ses antécédents, sa conduite vis-à-vis de Lady Carlyle, le verdict rendu autrefois contre Richard Hare, et mille autres raisons encore. L'empressement du public fut si grand que la cour d'assises se trouva pleine quelques instants après que les portes furent ouvertes. Aux places réservées, l'on remarquait le colonel Bethel, le juge Hare, les amis de Carlyle et ceux du prisonnier. À 9 heures, le premier juge fit son entrée dans la salle. Alors un bruit confus s'éleva de toutes parts. Chacun se mit à chuchoter à l'oreille de son voisin, et bientôt l'assistance entière eut connaissance d'un fait des plus graves, à savoir qu'Otto et Bethel se rangeaient du côté de la justice et avaient promis de faire d'importantes révélations. Le prévenu Sir Francis Levison fut amené à la barre de la cour. Il était pâle, hagard et échevelé. De ses yeux s'échappait une expression singulière, une expression de colère autant que de terreur. Il portait des vêtements noirs, et sur l'une de ses mains, aux doigts effilés et blancs, brillait encore le fameux diamant que nous connaissons. Les témoins furent invités à faire leur déposition. Ebenezer démontra de manière à ne plus laisser aucun doute dans l'esprit des jurés que Levison et Thorne ne faisaient qu'un. Affy, après avoir établi que Thorne était à la chaumière la nuit même du crime, dut entrer dans certaines explications qui aboutirent naturellement à éclairer de plus en plus la justice. Enfin, arriva le tour de Richard Hare. Il se présenta devant les juges, l'air timide et souffrant, mais les yeux rayonnants de fierté et d'espoir. Il avait naturellement mis de côté ses habits d'emprunt et revêtu ceux qui convenaient à sa position et au rang qu'il avait jadis occupé dans le monde. À son entrée dans la salle, la curiosité fut à son comble. Chacun voulut contempler le visage du jeune homme. On se serra, on se bouscula, et il s'ensuivit un tumulte inconcevable accompagné de cris. « Votre nom ?» demanda l'avocat de la couronne dès qu'il fut parvenu à rétablir quelque peu le silence. « Richard Hare. Vous êtes le fils du juge Hare de West Lyne, son fils unique. Vous êtes ce même Richard Hare qui a été condamné pour meurtre avec préméditation ?»« Le même, my lord. Aujourd'hui, c'est comme témoin que vous allez figurer dans ces débats, et je crois devoir vous prévenir tout d'abord que vous n'êtes nullement tenu de répondre aux questions qui pourraient tendre à prouver que vous êtes le criminel. » « My lord, répliqua Richard Hare avec une fermeté et un sang-froid qu'on ne lui avait jamais connu, je répondrai à toutes les questions que l'on jugera à propos de m'adresser, quelles que puissent être ces questions. Je suis ici dans ce but, et j'ai l'espoir que la lumière va se faire. »« Voyez, continua l'avocat de la partie poursuivante, regardez le prévenu, et dites-nous si vous le connaissez. Oui, je le connais, c'est Francis Levison, et jusqu'au mois d'avril dernier, je ne le connaissais que sous le nom de Thorne. Veuillez nous raconter ce qui s'est passé la nuit du meurtre. Affy et John m'avaient fixé un rendez-vous à la chaumière et j'y suis allé. En cachette, interjeta l'avocat, à peu près. Mon père et ma mère n'approuvant pas les entrevues que j'avais avec cette demoiselle, j'avais soin de leur en parler le moins possible. Le soir du meurtre, mon père me vit quitter la table immédiatement après le dîner et sortir avec mon fusil sous le bras. Il me rappela et me demanda où j'allais. J'ai honte de l'avouer à présent, mais je répondis par un mensonge. Je répondis que j'allais faire un tour avec le jeune Beauchamp. Ceci n'était qu'une excuse. Oui, j'emportais mon fusil dans l'intention de le prêter à Hallijohn, qui avait donné le sien à réparer. À mon arrivée à la chaumière, Affy ne voulut pas m'y laisser entrer, m'assurant qu'elle était beaucoup trop occupée. Je fus convaincu qu'elle me trompait, et que Thorne était avec elle. Ce n'était pas la première fois du reste qu'elle me jouait un pareil tour, et j'ai toujours découvert que le véritable motif qui l'empêchait de me recevoir n'était autre que la présence de Thorne. Y avait-il de l'animosité envers vous et Thorne? J'étais jaloux de lui, mais j'ignore s'il l'était de moi. Quelle était la nature de votre attachement pour Mademoiselle Affy Hallijohn? C'était un amour honnête. Je l'aimais comme on aime une personne dont on veut faire sa femme légitime. Vous n'aviez pas d'autre idée sur elle? Non, je l'aimais trop pour cela. Je respectais son père et je vénérais la mémoire de sa mère. Continuez votre récit. Affy, je vous l'ai dit, ne voulut pas me recevoir. Je lui en fis quelques reproches, puis je me retirai, non toutefois sans lui avoir remis le fusil en l'avertissement qu'il était chargé. Je me rendis alors dans le bois et je me tins caché derrière un arbre, attendant la sortie de Thorne, car je voulais avoir la certitude qu'il était avec Affy. Locksley vint à passer et, m'apercevant, il me demanda ce que je faisais là. Sans lui répondre, je m'esquivais au plus vite et j'allais me blottir un peu plus loin, à une assez bonne distance de la chaumière. Au bout d'une demi-heure, j'entendis la détonation d'un coup de fusil et presque en même temps, je vis Otto et Bethel qui se dirigeaient en courant vers la demeure de Haffi. « My lord, » ajouta Richard Dare, en regardant fixement le juge, « ce coup de fusil fut celui qui tua Hallijohn. » « Pensez-vous qu'Otto et Bethel aient pu tirer ce coup de fusil ?» demanda l'avocat. « Non, cela est impossible. » Il était alors beaucoup trop éloigné de la chaumière. Quelques minutes après la détonation, je vis un individu au visage blême, aux lèvres tremblantes, aux yeux pleins d'épouvante, qui marcha à pas précipité venant de la chaumière. Il passa devant moi sans me reconnaître. Il fuyait sans s'arrêter, sans oser regarder derrière lui. Il disparut enfin, je le perdis de vue, et je n'entendis plus que le galop de son cheval qu'il avait attaché à un arbre dans la forêt. Et vous n'avez pas songé à courir après lui ? Non. Ignorant ce qui était arrivé, je me rendis à la hâte à la demeure de Haffi. À peine eus-je franchi le seuil de la maison, que mes pieds se heurtèrent contre une masse étendue tout près de la porte, et je tombai de mon long sur un cadavre, celui de Hallijohn. Près de lui se trouvait mon fusil, déchargé. Un silence lugubre régnait dans la maison. J'appelai quelqu'un à mon aide, j'appelai Haffi, et je n'obtins pas de réponse. Alors, machinalement, je m'emparai du fusil et j'allais prendre la fuite quand tout à coup j'aperçus Locksley qui sortait de la forêt et arrivait vers moi. Alors j'eus peur, une sueur froide ruissela autour de mes tempes. Je rejetai vivement derrière moi l'arme que j'avais à la main et je me mis à courir comme un fou, poussé par la crainte, entraîné par la frayeur la plus terrible et ne songeant qu'à une chose enfin, c'est que j'allais être pris pour l'assassin de Hallijohn. Je courais donc ainsi, muet et perdu, lorsque subitement je fus arrêté dans ma course rapide par Otto et Bethel. Je savais qu'il s'était rendu à la chaumière de Hallijohn au moment même où la détonation avait eu lieu. Je lui en fis l'observation, mais il le nia. Je lui demandai s'il n'avait pas rencontré Thorne. Il m'assura que non. Alors j'eus plus peur que jamais, j'eus comme le délire, et je quittai Westline. C'était ridicule, à moi d'agir ainsi, c'était lâche, je le sais, mais que voulez-vous, j'avais perdu la raison. « Et ce que vous racontez là est vrai ? Je le jure !» poursuivit Richard d'une voix émue. « Alors que de lui-même, si je serai à la place que vous occupez en ce moment, je serai prêt à maintenir ma déposition. » Haffi Hallijohn fut ensuite rappelé et questionné de nouveau. « Pourquoi ?» lui demanda l'avocat poursuivant. « Pourquoi avez-vous refusé de recevoir Richard Hare dans la chaumière après le rendez-vous que vous lui aviez donné ?»« Parce que c'était mon bon plaisir !» répliqua effrontément la jeune femme. « Cette réponse ne saurait satisfaire le jury. »« Eh bien, alors, puisque vous le voulez absolument, » reprit Haffi avec vivacité, « je lui refusais l'entrée de la maison parce que j'étais en tête-à-tête avec le capitaine Thorne et je craignais qu'une dispute n'eût lieu entre eux deux. » Et savez-vous dans quel but Richard Hare s'était muni de son fusil ? C'était pour le prêter à mon père, qui avait envoyé le sien chez l'armurier. « Vous aviez placé ce fusil contre la muraille, à l'entrée de la maison ? Oui. » L'aviez-vous ensuite changé de place ou aviez-vous vu le prévenu y toucher ? Je ne l'ai pas changé de place et je n'ai pas vu le prévenu y toucher. Le juge ordonna l'ordre pour qu'on amenât le témoin au toit et Bethel. Après avoir prêté le serment d'usage, il commença la déposition suivante. Le soir du meurtre d'Hallijohn, j'étais dans la forêt et j'avais Richard Hare qui se dirigeait vers la chaumière, un fusil sous le bras. Et Richard Hare vous reconnut-il ? Non, il ne pouvait me voir. J'ai été alors caché par un épais taillis. Je le vis se présenter à la porte de la chaumière. Haffi Hallijohn se précipita au-devant de lui d'un air agité, comme si elle voulait l'empêcher d'entrer. Puis j'aperçus Haffi prendre le fusil des mains de Richard, et je remarquai que ce dernier, après s'être séparé d'Haffi, alla se poster à quelque distance de la chaumière. On eût dit qu'il faisait le guet. Quelques instants après, j'entendis un coup de fusil. Ne sachant juste ce que signifiait cette détonation, je me dirigeai aussitôt du côté de la chaumière. Au détour d'une allée, à quelques pas de la maison, je vis le capitaine Thorne, qui s'en échappait à la hâte. Il semblait hors d'haleine, et son visage était une pâleur étrange. Frappé de son extrême agitation, je me précipitai sur lui et l'étreignant au bras. « Qu'est-il arrivé ? » m'écriai-je. « Qu'avez-vous fait ? » « Arrêtez-vous, témoin, » s'écria le magistrat. « Pourquoi soupçonniez-vous cet homme ?»« Je vous l'ai déjà dit, » répliqua Otto et Bethel. « C'est à cause de l'état de surexcitation dans lequel je le voyais. » Je compris dès lors qu'un malheur était survenu. Son agitation ne fit qu'augmenter lorsqu'il se sentit arrêté par moi. Tous ses membres tremblaient. Il voulut se dégager de mon étreinte, mais comprenant que j'étais plus fort que lui, il fixa sur moi des yeux suppliants et me dit « Gardez-moi le secret, Bethel, et je vous récompenserai dignement. » Cela était fait sans préméditation de ma part, dans un moment de colère et au milieu d'une ardente querelle que j'avais avec lui. Il m'accusait à tort, car je n'avais fait aucun mal à sa fille. Et en parlant ainsi, le capitaine tira de sa poche un portefeuille, y prit un billet de banque de 50 livres sterling et me le glissa dans les mains. « Ce qui est fait, fait, Bethel, continua-t-il, et je compte sur vous maintenant, sur votre silence. Est-ce entendu ?» Je pris le billet et je promis de ne rien révéler. Hélas, j'ignorais alors qu'il s'agissait d'un meurtre. « Comment cela ? » fit l'avocat de la couronne. « Que pensiez-vous donc ? À vous dire vrai, je n'avais alors aucune idée fixe ou précise. J'avais l'esprit trop bouleversé pour concevoir, pour comprendre l'importance des paroles que je venais d'entendre. Thorne me quitta précipitamment et je le suivis quelque temps du regard. Un peu plus tard, j'aperçus Richard. Je le vis aller à la chaumière et en sortir presque aussitôt. Il passa près de moi, m'accosta, et me demanda si je n'avais pas rencontré ce misérable Thorne qui courtisait Affy. Je répondis non. Il poursuivit son chemin et je découvris ensuite que le pauvre Halley John avait été tué. « Et ainsi, monsieur Otto à Bethel, c'est que le juge avec indignation, vous vous êtes laissé séduire, vous avez consenti pour une somme de 50 livres à ne pas révéler à la justice le nom de l'assassin ?»« Oui. Et c'est avec un profond sentiment de honte que je le reconnais aujourd'hui. Mais je vous le répète, j'ignorais qu'il s'agissait d'un meurtre, sans quoi je n'eusse jamais accepté l'argent. J'ai beaucoup souffert depuis lors. J'ai eu la conscience bourrelée. Pourquoi alors n'avoir pas fait des révélations ? À quoi bon ? Il était trop tard. » Thorne n'était plus là, je l'avais perdu de vue, je ne pouvais retrouver ses traces, et ce n'est qu'au printemps dernier que je le revis enfin, et que je le reconnus sous le nom de Sir Francis Levison. Richard Hare également était parti, on ignorait ce qu'il était devenu, et l'on croyait généralement qu'il était mort. « Et qu'importe, monsieur ? » fit le juge avec indignation, « en supposant même que Richard eût été mort, ne deviez-vous pas nous aider à réhabiliter sa mémoire ?» Antoine Bethel courbait la tête, sans oser répondre. L'avocat de l'accusé prit alors la parole, et dans un discours aussi ingénieusement élaboré que chaleureusement débité, il s'attacha à réfuter les arguments mis en avant par la partie adverse, et s'efforça de démontrer l'innocence de son client. Mais cette plaidoirie, malgré tout le talent que sut y mettre l'orateur, n'eut d'autre effet que d'exciter les sourires incrédules et de donner naissance à des murmures réitérés d'impatience et de mécontentement. À 4 heures, le jury se retira dans la salle des délibérations. Il ne fut pas longtemps absent. Un quart d'heure, en effet, s'était à peine écoulé, qu'il était de retour. Le prisonnier fut invité à se lever. Il était d'une pâleur lugubre. Il faisait peine à voir. D'une main agitée et fiévreuse, il relevait ses cheveux. De l'autre, il tourmentait la chaîne de sa montre. Le plus profond silence régnait dans l'auditoire. « Messieurs les jurés, s'écria le premier juge, veuillez nous faire connaître votre opinion. Cet homme est-il coupable ou non coupable ?»« Coupable. » répondit le chef des jurés. « Mais, continua celui qui portait la parole, nous croyons devoir recommander le prisonnier à votre miséricorde. »« Et quelles sont vos raisons ?» demanda le juge. « My lord, nous pensons qu'il n'y a pas eu de préméditation de la part du prisonnier. Nous pensons que le crime fut le résultat d'un accès de colère. » Le juge demeura silencieux un moment, puis tirant de dessous sa robe une toque noire. « Prisonnier, la sentence de mort pèse sur votre tête. » « Qu'avez-vous à dire pour votre justification ?» Sir Francis Levison appuya ses deux mains crispées sur la balustrade qui l'entourait, puis relevant brusquement la tête, comme s'il s'efforçait de secouer loin de lui la frayeur qui l'envahissait. « My lord, je n'ai rien à dire, si ce n'est que, messieurs les jurés, en me recommandant à votre clémence, ont sagement agi. Je ne chercherai pas à nier que je suis le meurtrier de Halley John. Cela serait ridicule, après toutes les révélations qui viennent d'être faites. Mais si j'ai tué Halley John, ce n'est pas avec préméditation, croyez-moi, je le jure. Lorsque, dans cette nuit fatale, j'ai quitté Affy pour retourner à la chaumière chercher mon chapeau, je ne songeais pas plus à tuer âme qui vive que je n'y songe actuellement. Une dispute s'est élevée entre le père et moi, et la catastrophe est survenue. Je ne sais trop comment. » Il y eut de nouveau un moment de silence. Le juge se coiffa de sa toque noire, puis, se croisant les mains, « Prisonnier !» Le jury vient de vous prononcer coupable, et j'approuve son verdict. Vous vous êtes fait l'assassin d'un homme inoffensif, c'est un crime horrible. C'est de plus l'action d'un lâche. Votre avocat a cru nous attendrir en nous représentant que vous êtes un gentleman, un membre de l'aristocratie anglaise. J'ai été, je l'avoue, surpris et blessé, qu'il y ait recours à de pareils moyens de défense. Selon moi, le rang que vous avez occupé dans la société ne fait qu'aggraver votre faute. Quand un homme instruit, un homme de votre classe, se laisse tomber aussi bas, il n'a droit à aucune sympathie, à aucune pitié. D'ailleurs, votre vie passée n'a été qu'une longue suite de perversité et de dévergondage. Était-ce dans un but honorable que vous vous attachiez au pas d'Afi Halley John ? Non, c'était pour la séduire, pour la perdre. Et c'est là ce que vous avez accompli, après même que vous eûtes assassiné le père. Mais je veux m'efforcer de dompter mon indignation. Ce n'est pas pour entendre des reproches que vous êtes ici, devant moi, c'est pour écouter votre sentence. Le jury a bien voulu vous recommander à la miséricorde de la justice. Il ne faut pas trop y compter sur cette miséricorde. D'ailleurs, c'est là une question qui ne nous regarde point. C'est l'affaire de notre reine. Pour moi, je ne puis que vous engager du plus profond de mon cœur à utiliser le peu de temps qui vous reste probablement à vivre, à chercher le salut de votre âme dans un repentir sincère, à songer à un autre pardon qu'à celui dont disposent les hommes. Allez à Dieu. Lui seul peut à présent avoir pitié de vous et de vos fautes. Quant à nous, nous avons un devoir à remplir vis-à-vis de la société. Et il ne nous reste maintenant qu'à prononcer votre sentence. Cette sentence, la voici. Francis Levison, vous allez être ramené à la prison, et de là, l'ordre sera donné pour que vous soyez conduit à la place d'exécution où vous serez pendu et resterez pendu jusqu'à ce que vous ayez rendu le dernier souffle. Allez donc, et que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de votre âme immortelle. Amen. La foule s'écoula silencieuse, mais tout n'était pas fini. Une autre émotion l'attendait en cette journée. Une autre cause, d'un intérêt non moins vif, allait être plaidée dans ce même prétoire que nous venons de quitter. Cette cause, on le devine, n'était autre que celle du malheureux Richard Hare, injustement condamné, injustement mis au banc de la société. Ah ! Ce fut là une belle et glorieuse réhabilitation, et qui donna lieu à une scène des plus émouvantes et des plus pathétiques. Ils étaient tous présents, les amis de Richard Hare. Oui, tous ceux qu'il avait connus enfant, qu'il avait connus jeune homme, n'avaient qu'une voix à cette heure pour proclamer son innocence, pour le fêter, pour le combler de leurs félicitations. Mais cependant, c'étaient les mêmes qui, quelques années auparavant, lui avaient jeté la pierre, en s'obstinant à le croire coupable. Il comprenait maintenant combien il s'était étrangement trompé. Et rendant-leur cette justice, ils s'efforcèrent, en cette circonstance, de réparer leur tort par les cris les plus enthousiastes et par mille démonstrations aussi chaleureuses qu'amicales. Richard se vit entouré, cerné de tous côtés par une foule avide de le voir et de lui donner des preuves de la joie la plus sympathique. Quand, à force de poignées de main et de remerciements, il fut enfin parvenu à se frayer un chemin à travers les flots tumultueux de ses nouveaux amis, il alla se précipiter dans les bras de son père, qui, la honte aux yeux et le remords au cœur, se pressa contre sa poitrine oppressée de sanglots. « Mon père !» cria Richard, le regard mouillé de larmes. « Mon père, j'oublie tout en vous revoyant. Soyons heureux encore !» Mais lui ne pouvait répondre, ses lèvres s'agitaient convulsivement. Tous les muscles de son visage se contractèrent. Ses bras, qui enserraient son fils, retombèrent inanimés le long de son corps. Tous ses membres, enfin, furent saisis d'un tremblement involontaire. Et le malheureux juge, frappé pour la seconde fois d'une attaque de paralysie, fut ramené chez lui, accompagné de Richard et du colonel Bethel.